وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فتؤمن أنه السميع ذو السمع والبصير والحكيم والعليم ذو البصر والحكمة والعلم، وأنه خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى، له يدان تليقان به سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأنه سبحانه وتعالى يجيل الفصل بين الخلائق يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه سبحانه وتعالى عال على خلقه مستو على عرشه كما قال سبحانه في كتابه الرحمن على العرش استوى، وكما قال سبحانه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما من في السماء؟ الله. فهل هذا هو التوحيد؟ لا شك أن هذا من التوحيد، ولكن التوحيد الذي أرسلت به الرسل أصالة وأراد الله البشر أن ينصعوا لله فيه ويوحدوه به، والذي من أجله خلق الله الخلائق كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو توحيد العبادة، هو أن تعتقد أن الله عز وجل هو المتفرد بالعبادة، فلا يستحق هذه العبادة ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. فهذا التوحيد الثالث هو الذي يدخلك في الإسلام، وهو الذي أرسلت به الرسل، وهو أن توحد الله بأفعالك أيها العبد، فلا تصلي إلا لله سبحانه، ولا تسجد إلا لله، ولا تدعو إلا إياه، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تنظر إلا لله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تذبح إلا لله عز وجل، ولا تطوف إلا ببيت الله عز وجل. فهذه العبادات كلها من نذر وطواف وخضوع وخشية وخوف واستعانة واستغاثة وسجود وتوكل ودعاء، هذه العبادات وغيرها من العبادات، وكل العبادات لا تصرفها إلا لله عز وجل، فلا تصرفها ولا توجهها لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي صالح ولا لليلة عربية ولا لسيدي محرز ولا لسيدي بن عيسى ولا للبدوي ولا للحسين ولا لعلي ولا لعبد القادر الجيلاني ولا للجنيد ولا لغيرهم من المخلوقات. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. وقال سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. واعلم أيها المسلم أنك لو اعتقدت أن الله عز وجل هو الخالق المدبر المتصرف المتفرد بذلك كله فإنك لا تكن موحدا له بذلك حق التوحيد، ولا تدخل الإسلام حتى توحد الله بأفعالك أنت مما ذكرنا آنفا من صلاة ونذر وخوف ودعاء واستغاثة وخشية وطواف، تصرف كل ذلك لله عز وجل وتكفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعلا، كما قال تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فهؤلاء مشركو قريش وحدوا الله بربوبيته، أي اعتقدوا أنه سبحانه الخالق والمالك والمتصرف والمحيي، بدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ومع ذلك فقد قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولهم بأن الله هو المتفرد بالخلق. لماذا؟ لأنهم لم يوجهوا أفعالهم التعبدية لله عز وجل وحده، فكانوا من المشركين. أيها المسلمون، إن المسلم الذي يريد الدار الآخرة، يريد العزة لهذا الدين، ينبغي أن يكون عارفا بالتوحيد، عارفا بالشرك، حتى لا يقع فيه من حيث يدري أو لا يدري. فإن التوحيد أيها الإخوة هو أساس بناء الأعمال، فمن بنى عمله على الشرك فهو كالذي يبني دار على موج البحر، فهل يجد له قرارا؟ لا شك أن هذا البناء سينهدم وسيسقط. وهكذا الشرك، فإنه يحبط العمل ولو كان العمل كأمثال الجبال. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إن الله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا في التوحيد كائنا من كان. اسمعوا لهذه الآية وانتبهوا كم نبيا سيذكره الله عز وجل في هذه الآية: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نزل المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي من يشاء من عباده ولو أشركوا لا حبط عنهم ما كانوا يعملون. 18 نبيا، ومع ذلك قال الله عز وجل فيهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لا مجاملة في التوحيد أبدا. ولذا يجب على المسلم أن يخلص عمله لله عز وجل بالتوحيد ونبذ الشرك، فإن الموحد يغفر الله عز وجل له زلاته ومعاصيه ويدخل الجنة ولو بعد حين. وأما المشرك فإن شركه يمنع عنه يوم القيامة المغفرة ويخلده في النار عياذا بالله تعالى. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. واعلموا أيها الإخوة أن الشرك سبب للعذاب وللمصائب والنقم والبلايا كلها، وهل أهلكت الأمم السابقة فخسف بمن خسف ودمر بمن دمر وأهلك من أهلك إلا بسبب الشرك. والواقع يشهد ذلك. واسمعوا لهاتين الآيتين العظيمتين. قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال سبحانه: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فالشرك بالله عز وجل سبب للذم والخذلان، والذي يخذله الله عز وجل من الذي ينصره؟ قال تعالى: أهلكناهم فلا ناصر لهم. ومع هذا كله نسمع من الجهال والمبتدعة وأهل الزيغ والضلال من أعداء منهاج النبوة أنه لا فائدة في تعليم العقيدة الصحيحة، ويكفيك أن تصلي وتفعل الخير. ولكن هؤلاء يعتقدون أن الخير هو ما يظنونه خير، فيصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فيحتقرون دراسة التوحيد وما يضدها، ثم يحسبون أنهم يحترمون كتاب الله عز وجل. ألم يسمعوا ما قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله؟ كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهد به، داعي إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العملي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكاملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. انظر في مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. ولهذا ينبغي علينا معاشر المسلمين أن يكون اهتمامنا بالتوحيد مقدما على الاهتمام بكل أمر، وأن يكون في أول أولوياتنا وفي مقدمات مهماتنا. فنسأل الله رب العالمين أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطل وأن يرزقنا اجتنابه. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، serviteurs d'Allah, craignez Allah عز وجل comme il se doit, et ne mourrez qu'en étant musulmans soumis à Allah عز وجل. Craignez Allah عز وجل comme il se doit, et Allah vous donnera la bonne compréhension de la religion. Craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit, où que vous soyez, quiconque que vous fréquentiez, sachez qu'Allah Azza wa Jal nous observe constamment, et rappelez-vous que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Serviteurs d'Allah, sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah Azza wa Jal, et que la meilleure des guidées des voies et la guidée de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que les pires des choses sont toutes les choses inventées dans la religion complète d'Allah Azza wa Jal. Et toute chose inventée, rajoutée dans la religion complète d'Allah Azza wa Jal, basée sur aucune preuve, cela s'appelle des innovations religieuses. Ce sont des innovations religieuses. Et toute innovation religieuse est un égarement. Et tout égarement mène au feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Serviteurs d'Allah, sachez que le pur monothéisme, appelé en arabe le tawhid, est la base de toutes les bases. Et le plus important de toute importance, la bonne parole, et c'est avec le tawhid que tous les messagers ont été envoyés. Écoutez donc la parole d'Allah Azza wa Jal dans la traduction du sens du verset. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tarout ». Et dans un autre verset, nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité digne d'adoration en toute vérité en dehors de moi, adorez-moi donc. Et dans un autre verset, sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité digne d'adoration en toute vérité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Chers musulmans et musulmanes, le pur monothéisme, le tawhid, n'est pas une chose secondaire dans les pensées, ni une parole surérogatoire, ni une apparence parmi les apparences de faiblesse ou de peur, mais le tawhid, c'est l'essence naturelle sur laquelle Allah Azza wa Jal les a disposés. Une nécessité et un besoin pour l'âme et le fort intérieur. Car si le tawhid, le pur monothéisme est délaissé, l'âme se vide et la conscience se trouble et s'égare. C'est pour cela que la première chose que tous les envoyés d'Allah, alayhum salat wa salam, ont dit à leur peuple, c'est de les inviter au tawhid d'Allah, au pur monothéisme d'Allah, le Très-Haut. Tous les messagers envoyés par Allah, Azza wa Jal, de Nuh, alayhi salam, Noé en français, jusqu'au dernier des prophètes et envoyé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il vient à son peuple et dit, dans la traduction du sens et des versets, « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité digne d'adoration en toute vérité en dehors de lui. » Et dans un autre verset, « Et nous avons envoyé aux Madian leur frère Shuaïb. » Et la traduction ici n'est pas correcte. Et c'est le gros problème que l'on trouve dans les traductions du Coran aujourd'hui en français, ou les traductions des hadiths. Celui qui a traduit leur frère dans la traduction du Coran, c'est quelqu'un qui ne comprend pas le sens du verset. Alors lorsque l'on dit que l'on traduit le Coran, c'est une traduction du sens du verset, alors on se doit de donner la traduction du sens du verset, et non pas une traduction littérale. Car celui qui lit ce verset-là, de façon littérale, il va croire que le prophète, que ce soit Shuaïb ou Nuh, ou peu importe quel prophète, c'est le frère des kuffars. Alors que la fraternité n'existe que dans l'islam. La traduction du sens du verset, c'est leur prophète Shuaïb. Comme cela a été rapporté par Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Leur prophète Shuaïb, qui leur dit, « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité digne d'adoration en toute vérité en dehors de lui. » Et nous avons envoyé au Thamoud, leur prophète Saleh, qui dit, « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité digne d'adoration en toute vérité en dehors de lui. Et nous avons envoyé au Had, leur frère Houd. Vous voyez ici la traduction, leur frère Houd. Donc, vous vous rappelez que ça, c'est pas correct. Et on se doit de se rappeler que la traduction du sens, c'est leur prophète. Et nous avons envoyé au Had, leur prophète Houd, qui leur dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité digne d'adoration en toute vérité en dehors de lui. Et notre honorable envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pendant 13 années à la Mecque, est-ce qu'on arrive à méditer sur 13 années? Alors on est en 2017, et si on compte 13 ans, c'est jusqu'à 2030. De 2017 à 2030, c'est que de la da'wa au tawhid. Et vous verrez que toutes les sourates qui ont été révélées à la Mecque ne portent que sur la aqidah. Pendant 13 ans, aujourd'hui tu fais un cours sur le tawhid, t'en as pas besoin, c'est rien ça. 13 ans, de 2017 à 2030, c'est-à-dire si on commence à faire que des cours pendant 13 ans sur la aqidah, les gens vont dire, mais apprenez aux gens la salette. Mais la salette a été révélée après les 13 premières années, subhanallah. On va entendre d'autres prédicateurs aux portes de l'enfer, dénigrer le tawhid. Mais nos enfants, ils sont dans le trafic de drogue. Mais nos enfants, ils font cela. Et tu me parles sur ça? Il faut chercher à les ramener déjà à la mosquée. Et rien te plaire, toi. Et il ne le fait pas pour Allah. Le fasad, la corruption, la fornication, tout le mal était présent du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il a commencé à leur dire, non, arrêtez de faire cela? Il les a invités au tawhid d'Allah azza wa jal. Jusqu'à ce que des gens sont venus voir Ali radiallahu anhu et lui ont dit, comment se fait-il que lorsqu'un verset est révélé par Allah azza wa jal, vous l'appliquez directement? Il répondit, c'est parce que pendant les 13 années, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a éduqués sur le tawhid, l'aqidah. L'aqidah, la croyance, elle est correcte. Lorsque tu commences avec cela, et ensuite tu viens par la suite, par ce qui suit, la salat, le hijab, d'accord? La personne accepte. Il ne sait même pas qu'Allah l'observe constamment. Il ignore qu'il va se faire juger. Il ignore que si tu délaisses la prière, t'es un kef. Il ignore tout ça. Et toi, tu lui dis, viens prier, au lieu de lui enseigner la aqidah. Voilà ce qui arrive lorsque on veut suivre autre que la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on veut suivre la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la méthodologie de l'enseignement, les critiques fusent par les ignorants qui ignorent qu'ils sont ignorants. Et lorsque l'ignorant parle, les troubles augmentent, qu'Allah nous en préserve. Donc on voit que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pendant 13 années à la Mecque, il prêcha à son peuple, dites, la ilaha illallah, dites, nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah. Parce que des gens adoraient autre qu'Allah. Donc, une autre erreur dans la traduction que l'on trouve des gens qui viennent parler sur l'islam, il n'y a de Dieu que Dieu. Ça ne veut rien dire du tout, ça. La ilaha illallah, ce n'est pas il n'y a de Dieu que Dieu. Ça ne veut rien dire du tout. Il y en a même qui en arrivent à renier qu'il y a d'autres divinités en dehors d'Allah. Et parce qu'ils ignorent ce que signifie Al-Ilah. Al-Ilah, huwa al-Ma'boud. Al-Ilah, c'est un synonyme de Abada. Lorsqu'un individu se met à adorer une chose, il le met au rang de divinité. Nous disons certes c'est une divinité parce qu'un tel l'adore, mais nous disons que c'est une fausse divinité. il ne mérite en rien l'adoration. Pourquoi ? C'est une créature. Et tu sais que le seul créateur, c'est Allah. Alors, seul lui mérite en toute vérité tout acte d'adoration. Donc on voit bien ici les points importants dans les traductions qu'il ne faut jamais oublier. Et malheureusement, des gens qui s'affilient à la voie prophétique font des traductions de livres et disent « il n'y a digne d'adoration excepté Allah ». Et ils oublient très souvent en toute vérité. Non, il faut ne pas oublier en toute vérité, parce que d'autres choses sont adorées, mais avec fausseté. Bel batel, sont adorées avec fausseté. Donc lorsqu'elles sont adorées avec fausseté, on le sait qu'elles sont adorées, mais on le dit avec fausseté. Ce sont des créatures, elles ne méritent en rien l'adoration. Le seul qui mérite, en toute vérité, pourquoi en toute vérité ? Parce qu'Allah Azza wa Jal, c'est le seul créateur. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pendant les 13 premières années à la Mecque, il disait à son peuple, dites, nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah, vous aurez le succès. Mes frères et sœurs, quel est donc le tawhid dont les messagers furent envoyés ? Est-ce que le tawhid, c'est de croire qu'Allah est le créateur, le seul à pourvoir, le seul à pouvoir créer, et qu'il est le détenteur du jour dernier, qu'il est l'unique Seigneur, l'unique créateur ? Nul doute que cela fait partie du tawhid. Est-ce que le tawhid, c'est de croire qu'Allah le Très-Haut a des noms et attributs, telle la parole d'Allah le Très-Haut dans la traduction du sens du verset, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Tu crois donc qu'Allah est l'audient avec l'attribut de l'écoute, qu'il est le clairvoyant, le sage, le savant, avec l'attribut de la vue, de la sagesse et de la science. Et qu'Allah a créé Adam avec sa main, qu'Allah a deux mains qui sied à Allah le Très-Haut. Telle la parole d'Allah Azza wa Jal dans la traduction du sens du verset, il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Donc tu dis ce qu'Allah Azza wa Jal dit, mais tu ne tombes pas dans les ressemblances. Allah il dit, il a des mains, est-ce que ses mains sont comme nos mains ? C'est haram de rentrer dans cela. Parce qu'Allah Azza wa Jal dit, laysa kamithlihi shay, rien ne lui ressemble. Donc tu te dois de dire ce qu'Allah Azza wa Jal dit, sans changer la modification. Comme le groupe égaré des Asha'ira, qui prétendent que non, il faut changer le sens des mains, et dire en fait c'est le pouvoir ou c'est le bénéfice. Subhanallah. Ramenez-moi un sahabi qui disait cette parole. Ramenez-moi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait cette parole. Il n'y a rien. Pourquoi ils ont fait cela ? Parce qu'ils pensaient que c'était bien. Par crainte de faire des similitudes avec Allah. Alors ils se sont mis à innover dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et ils ont égaré une grande partie de la communauté de l'islam, qu'Allah les guide et nous guide. Amin. Donc, tu dois dire ce qu'Allah Azza wa Jal dit sans changer le sens, sans le modifier. Par exemple, Allah Azza wa Jal dit Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Élevé au-dessus de son trône. Tu dis ce qu'Allah Azza wa Jal dit, mais tu ne fais pas comme ces égarés des Asha'ira qui disent l'istiwa, ils disent c'est, ils l'ont changé en estaoula. C'est un autre problème. Parce que estaoula, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a pris le dessus. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal n'avait pas le dessus sur son trône. A'udhu billah. Et les gens, je suis Ash'ari, a'oudou billah. Ils disent des choses, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Donc on doit craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Si tu te prétends Maliki, alors applique ce que dit l'imam Malik. Al-istiwa ma'loum, wal-kayfiya majhoul, wal-su'al ali bid'a. L'istiwa, le fait qu'Allah est élevé au-dessus de son trône, c'est connu, puisqu'Allah Azza wa Jal nous le dit. Tu le lis dans le Coran. Le comment, on ne le sait pas, puisqu'Allah Azza wa Jal ne nous l'a pas informé. Mais questionner dessus est une innovation. Et donc on se rend compte que entre ceux qui se prétendent Maliki et le madhab de l'imam Malik, c'est comme l'Est et l'Ouest. Donc, Allah Azza wa Jal dit, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Et qu'Allah Azza wa Jal arrive le jour de la résurrection pour juger entre les créatures. Telle la parole d'Allah le Très-Haut dans la traduction du sens du verset, et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang. Tu dis ce qu'Allah Azza wa Jal dit. On ne t'a pas demandé d'écrire une thèse, voilà, de casser ta tête pour essayer de... Dis ce qu'Allah Azza wa Jal dit. Suis la voie prophétique. Bon, on dit qu'on aime le prophète, c'est en alors qu'on le suit. Et non pas on va délaisser la voie pour essayer de... Non, parce que c'est mieux au cas où, subhanallah. Alors tu sais mieux que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu crois connaître le khir mieux que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. On se doit de craindre Allah, azza wa jal, comme il se doit. Et Allah, azza wa jal, a dit, et qu'Allah, azza wa jal, est élevé au-dessus de ses créatures. Élevé au-dessus de son trône. Le trône, c'est une créature d'Allah, azza wa jal. Allah, azza wa jal, est au-dessus de toutes ses créatures. Tel qu'Allah, azza wa jal, l'a dit dans son livre, dans la traduction du sens et du verset, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Et comme Allah Azza wa Jalla a dit dans la traduction du sens du verset, êtes-vous à l'abri que celui qui est au-dessus du ciel vous enfuisse en la terre? Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit concernant qui est au-dessus du ciel, il répondit Allah. Donc, est-ce cela le tawhid? Il n'y a aucun doute que cela fait également partie du tawhid d'Allah Azza wa Jal. Mais le tawhid dont les messagers ont été envoyés et qu'Allah a voulu que l'humanité l'applique et qu'il l'unifie dans cela, et c'est pour cette raison qu'Allah le Très-Haut a créé les deux pesants, les djinns et les humains, telle la parole d'Allah dans la traduction du sens du verset, et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Ceci est le tawhid de l'adoration, qui consiste à croire qu'Allah, le Très-Haut, est le seul qui mérite l'adoration et que ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé, ni un bien-aimé ne mérite l'adoration. C'est cette troisième catégorie de tawhid, parce qu'on a vu les deux premières. Donc ces trois catégories, c'est ce qu'on appelle l'iman billah. La foi en Allah, c'est de croire en l'existence d'Allah, et ce sont les trois catégories de tawhid que je viens de mentionner, le tawhid dans la seigneurie, dans les noms et attributs d'Allah et dans l'adoration. Ceci donc, cette troisième catégorie, c'est le tawhid de l'adoration qui consiste à croire qu'Allah le Très-Haut est le seul qui mérite l'adoration et que ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé, ni un bien-aimé ne mérite l'adoration. Et c'est cette troisième catégorie de tawhid qui te fait entrer dans l'islam. C'est cette catégorie, le tawhid de l'adoration, qui te fait entrer dans l'islam, dont les messagers furent envoyés aux gens. Parce qu'on a bien vu leur premier message, « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité digne d'adoration en toute vérité, excepté lui, excepté Allah. » Ça, c'est le pur monothéisme dans l'adoration. Ce tawhid de l'adoration consiste à ce que tu voues le culte de l'adoration uniquement et seulement à Allah Azza wa Jal. Donc, tu ne pries que pour Allah le Très-Haut. Tu ne te prosternes que pour Allah le Très-Haut. Tu n'invoques qu'Allah. Tu ne recherches la protection que d'Allah. Tu ne fais de souhait que pour Allah. Tu ne recherches la protection, ça veut dire tu ne demande la protection qu'à Allah, Azza wa Jal. Tu ne fais de souhait que pour Allah. Tu ne places ta confiance qu'en Allah. Et comme on l'a dit précédemment dans les khutbas précédentes, aujourd'hui on entend des gens qui s'avancent dans la da'wa et qui commencent à dire un frère de confiance. Subhanallah. C'est une créature, il est interdit de placer sa confiance en autre qu'Allah. Tu dis un frère fiable, mais tu ne dis pas un frère de confiance. Parce que la confiance est une ibada, c'est un acte d'adoration et tu ne dois le vouer qu'à Allah Azza wa Jal. Tu ne places ta confiance qu'en Allah. Tu ne recherches l'aide qu'auprès d'Allah. Tu ne sacrifies les animaux que pour Allah. Tu ne fais le tawaf qu'à la Mecque. Tous ces actes sont des adorations. La crainte, l'espoir, le sacrifice, la confiance, l'invocation, la prosternation, implorer le secours, la protection, la demande d'aide, l'humilité, il est obligatoire de vouer tous ces actes d'adoration qu'à Allah seul. Tu ne voues rien de ces actes d'adoration, ni à un ange rapproché, ni à un wali, ni à Layla Arbiya, ni à Sidi Mehrez, ni à Sidi Ben Issa, ni à Abdel Qadr al-Jilani, ni à Al-Badawi, ni à Al-Junaid, à personne parmi les créatures. Allah Azza wa Jal étant l'unique et seul créateur, seul lui mérite tout acte d'adoration. On peut être surpris d'entendre, mais pourquoi il nous dit on ne fait le tawaf qu'à la Mecque? Parce que de nos jours, des gens disent un tel c'est un wali, il est enterré ici, et ils se mettent à faire le tawaf autour de cette tombe. Et il s'avérait que c'était un chien qui était enterré là-bas. Mais ces Mubtadi'at Soufiya, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le chien, c'est devenu le wali des chiens. Pourquoi? Parce qu'un wali l'a regardé, et le fait que son regard est venu dans le regard du chien, alors il est devenu le wali des chiens. Alors lorsqu'il est mort, ils lui ont fait une tombe, et les gens tournent autour et demandent à ce chien. A'oudhu billah. Voyez le jahl, où est-ce que ça mène? Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens et des versets, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Mais également, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Invoquez-les donc et qu'ils vous répondent si vous êtes véridiques. Ont-ils des jambes pour marcher? Ont-ils des mains pour frapper? Ont-ils des yeux pour observer? Ont-ils des oreilles pour entendre? Et Allah Azza wa Jalla a dit dans la traduction du sens du verset, « Tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. » Ils ne peuvent même pas contrôler la pellicule d'un noyau de date. « Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient pas vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier et mécroire en votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. » Sache donc aux musulmans et musulmanes, si tu as la croyance qu'Allah est l'unique et seul créateur, sache que tu ne seras pas un monothéiste. Si tu crois uniquement qu'Allah est ton créateur, qu'Allah c'est le seul créateur, tu n'es pas un mouahid, tu n'es pas un monothéiste. Et cela ne te fera pas rentrer en islam. Jusqu'à ce que tu unifies Allah Azza wa Jal dans les actes d'adoration que j'ai évoqués précédemment. Tu ne voues tous ces actes d'adoration qu'à Allah seul, tout en mécroyant et en te désavouant de tout ce qui est adoré et invoqué en dehors d'Allah Azza wa Jal. Telle la parole d'Allah le Très-Haut dans la traduction du sens du verset. Donc quiconque mécroit au Tarout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Rappelons-nous que les associateurs, les mouchriquines, les polythéistes de Quraysh, ils unifiaient Allah dans la seigneurie. Ils croyaient qu'Allah était le seul créateur, qu'Allah était le seul qui donnait la vie, qui donnait le risque. Pour preuve, la parole d'Allah le Très-Haut dans la traduction du sens du verset, Si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils diront assurément Allah. Et dans un autre verset, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Et si tu leur questionnais qui vous a créé, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Les mouchriquines, les kofars de Quraysh qui ont combattu et qui ont nui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu leur demandes qui vous a créé, ils vont dire quoi? C'est Allah. Donc eux, ils unifiaient Allah dans la seigneurie, dans le tawhid al-Rububiyyah. Ils avaient la croyance ferme, claire, sans aucune ambiguïté, que le seul créateur c'est Allah. Mais ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Ils ne sont pas devenus des musulmans. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus alors qu'ils avaient cette croyance-là. Alors qu'ils croyaient qu'Allah était le seul créateur. Ils y croyaient avec une ferme conviction. Certes, le seul créateur c'est Allah. Pourquoi c'était des mouchriquines? Et ça, c'est l'ambiguïté qu'il y a beaucoup de groupes déviants qui tombent dedans et qui invitent les gens avec ignorance. Et ils ignorent qu'ils ignorent la vérité. Pourquoi c'était des mouchriquines? Pourquoi c'était des polythéistes? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus alors qu'ils croyaient qu'Allah c'était le seul créateur? Et on comprend maintenant les ambiguïtés qu'ont certains musulmans à faire le takfir des juifs et des chrétiens. Ils te disent, non, c'est nos frères. A'oudou billah. C'est tes frères à toi, si tu veux, que le jour de la résurrection vous soyez ensemble, ça c'est ton problème. Les juifs et les chrétiens, c'est des kofars, il ne faut pas avoir cette ambiguïté-là. Ils se disent, mais attends, mais ils croient qu'Allah c'est le créateur. Oui, mais ils croient qu'Allah c'est le créateur. Ce ne sont pas des monothéistes. Donc il faut aussi que les musulmans fassent très attention à leur langue. Et qu'ils ne disent pas les trois religions monothéistes. A'oudou billah. Celui qui dit ça, ça fait partie des annulatifs de l'islam. Celui qui dit qu'il y a trois religions monothéistes, il invalide son islam. Pourquoi? Parce qu'il oppose la parole d'Allah, Azza wa Jal. لَقَدْ كَفَرُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمُ. Ils ont certes mécru ceux qui disent que Allah, c'est Isa, le fils de Marie. Et toi, tu viens, tu dis, ils sont monothéistes. Non, ils croient qu'Allah est le seul créateur. Vous voyez le problème? Il ne faut pas tomber dans du tamir et dans la moudana et à essayer soi-disant, ah ben non, on va leur plaire. Eri, c'est un aqida. Tu veux être seul dans ta tombe? Tu veux mourir avec une aqida fesda? Pourquoi? Pour plaire au kuffar. Subhanallah. Ta aqida, tu es musulman. Il faut que tu restes fier d'être musulman. Allah Azza wa Jalla dit cela, c'est cela. Oui, c'est cela. Je le dis. Les sahabes sont morts pour la ilaha illallah. Il y avait une des sahabiettes. Il lui disait, les mouchriquines et les kuffars de Quraysh, invoque un tel, invoque cette statue-là. Et elle refusait. Ahadun ahad, ahadun ahad. Ils ont brûlé le métal jusqu'à le faire brûler, mais d'une intensité, mais immense, très forte. Tellement que c'était très, le métal était devenu très très très très chaud. Vous voyez que ça fait une lueur qui aveugle. Et ils ont pris ce métal-là, ils l'ont mis devant ses yeux, et elle continuait à dire « Ahadun Ahad », et elle a perdu la vue. Et elle continuait à tenir sur cette croyance ferme. Et aujourd'hui, pour un petit bien de cette dunya, voilà, non, je montre ça, il va vendre sa religion, très rapidement, vendre sa religion. Qu'Allah les guide et nous guide. Amin. Pourquoi donc c'était des mouchriquins alors qu'ils croyaient qu'Allah Azza wa Jal est le seul créateur, l'unique créateur? Car ils ne vouaient pas les adorations à Allah seul. Ils étaient alors parmi les polythéistes. مَا نَعْبُدُوهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. On ne les adore, ces idoles, que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Comme les soufis, aujourd'hui, Non, invoque Abdel Kader Gilani, va voir Leïla Arbia, Sidi Ben Issa. Mais non, tu vas le voir pour que... Toi, tu ne peux pas dire directement à Allah. Toi, c'est du 1000 volts. Et puis imagine du 1000 volts, du 5 milliards de volts. Tu ne peux pas, il faut que tu passes par un intermédiaire. Regardez les choubouettes, Fesda qui ramènent ces gens-là. Allah Azza wa Jalla a dit, « Ed'ouni astajib lakum. » Invoquez-moi, je vous répondrai. Hein, ben, il veut passer par un intermédiaire. Mais ça ne fait pas partie de l'islam, les intermédiaires. Tu es dans ta salat, tu es en directe communication avec Allah Azza wa Jal. Alors, il nous parle, el-ihsan, el-ihsan. Mais commencez à appliquer l'islam, commencez à appliquer l'iman, et ensuite on parlera sur l'ihsan. L'ihsan, que tu adores Allah comme si que tu le voyais. Mais si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Est-ce qu'on arrive à avoir ce khushu'a-là dans la salette en se disant qu'Allah m'observe constamment, en espérant que ma salette soit la plus parfaite possible, en espérant que même si je meurs, au moins je meurs sur une bonne action? On en est arrivé à ce stade-là? Qu'Allah nous guide. Amin. Abu Jahl, qui est la tête de la mécréance, Ras al Kufr, il connaissait la ilaha illallah. Subhanallah. Il connaissait la ilaha illallah. Allah Azza wa Jal dit, concernant ce que disent les mouchriquines, أَجَعَلَ الْآلِهَةً إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. A-t-il fait de toutes les divinités une seule qu'on doit adorer et qu'on se doit de se désavouer des autres? Il vient avec une chose étrange. Abu Jahl, Ras al-Kufr, connaissez la ilaha illallah. C'est une musiba que des gens qui s'affilient à l'islam, tu leur dis, quel est le sens de la ilaha illallah? Et Dieu, c'est créateur. Subhanallah. Abu Jahl, qui était la tête de la mécréance, yani est plus savant que des gens qui s'affilient à l'islam. Ça, c'est une musiba, mais inimaginable. Où sont ces gens qui dénigrent la science du tawhid et de la aqida? Où sont-ils là? Subhanallah. Donc Abu Jahl, il connaissait la ilaha illallah. Et on trouve des groupes déviants. Et il faut connaître les noms de ces groupes déviants. Comme ça, lorsque tu entends ou tu vois ces gens arriver dans la mosquée, tu te lèves et tu sors. Tu ne t'assieds pas avec eux. Parce que l'imam Al-Lalakayi, rahimahullah, a dit « Man satara alayna bid'ato, lam tukhfa alayna ulfato. » Quiconque nous cache son innovation ne nous cachera pas sa fréquentation. Donc si on te voit t'asseoir avec des gens de la bid'a, des gens qui opposent la sunna, qu'est-ce qu'on dit? Il est avec eux. Un groupe qui est connu partout, il vient partout, il venait, Musta'ad, Musta'ad, Musta'ad, Jama'at al-Tablir, qui ne connaissent même pas la ilaha illallah, et ils veulent faire de la da'wah. Ils disent, et je l'ai moi-même entendu, un des émirs qui était venu pendant cette mosquée d'une autre dans la région, mes frères, alors ils doivent dire leurs 6 points, le premier c'est la ilaha illallah, c'est de croire avec certitude. Il faut enlever la mauvaise certitude, la remplacer par la bonne, essayer de croire qu'Allah, sincèrement, qu'Allah est ton créateur. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et les gens, ils écoutent. Tu crois que les gens, c'est des tollab ilm, ils sont en train d'étudier, et puis ils savent c'est quoi le vrai du faux. Hada yirdem, hada il a sa famille, hada. Il vient, il veut lui rire, il essaie d'écouter, et regarde comment il lui plante l'égarement dans le cœur. Pourquoi c'est un égarement? Croire qu'Allah c'est ton créateur. Donc toi, pour toi, eh ben, tu vas parler à un bouddhiste, un mushrik qui sont en train de laminer les musulmans en Birmanie. Tu vas dire, Hada c'est un monothéiste. Hada c'est un frère. Hada les juifs, ceux qui se prosternent à la croix. Et que les musulmans, félicitations, joyeuses fêtes, joyeuses Noël. A'oudhu billah. Ou bien les juifs qui renient les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal et qui attribuent à Allah Azza wa Jal un enfant. Eh bien, il va croire que ce sont des frères. Oui. Et lui, il ne va pas comprendre. Jusqu'à qu'il y ait un jahl qui m'avait dit, après une khutba du Eid, après une salat al-fajr, pourquoi tu dis que les juifs et les chrétiens, c'est des kofars? Mon fils était choqué. La ilaha illallah. Mais qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner à son fils, Adam? Donc, ils viennent et ils te disent, la ilaha illallah, enlève la mauvaise certitude, remplace-la par la bonne, et c'est de croire sincèrement qu'Allah est ton créateur. Subhanallah, alors que Abu Jahl croyait avec sincérité que le créateur c'est Allah. Et en plus, il savait ce que signifiait la ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah. Donc Abu Jahl est savant, et plus savant que certains musulmans de nos jours. Abu Jahl est plus savant que ce groupe innové de Jama'at al-Tablir. C'est pour cela qu'il ne faut pas les écouter, ni s'asseoir avec eux, ni sortir avec eux. Hada, il va laisser sa famille 4 mois. Moustahed, 4 mois. Qui c'est qui veut le paradis? Qui c'est qui veut le paradis? Tu veux le paradis? Qui c'est qui veut 4 mois? Sortir 4 mois? Personne. Vous voulez le paradis? Vous voulez pas sortir 4 mois? Subhanallah. Allez, le paradis t'appartient. Et est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était sa tariqa de da'wah? Et lorsque tu étudies bien les chiffres qu'ils utilisent, 3 jours, tu lis ça dans le Coran? فَتَمَتَّعُوا فِي دِيَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. 3 jours, 3, c'est mentionné dans le Coran. Pourquoi? Regarde, c'est mentionné. Et eux, ils s'arrêtent là. Subhanallah. Mais les 3 jours, c'est Allah Azza wa Jal, il dit aux mouchriquins et aux criminels de profiter pendant ces 3 jours-là dans leur demeure avant que le châtiment s'abatte sur eux. Quel est le rapport avec les 3 jours? 4 mois. Deuxième verset, Sourate Bara, At-Tawba. Siru fil ard arba'ata ashhur. Allah Azza wa Jal, donc voyager sur terre pendant 4 mois, à qui Allah Azza wa Jal s'adresse-t-il? Il s'adresse aux mouchriquin, qu'ils peuvent voyager pendant 4 mois, pendant les 4 mois sacrés, dans lesquels les musulmans ne peuvent, sont interdits de combattre. Donc ils peuvent voyager en tranquillité pendant 4 mois. Donc là il vient, d'une part il t'injecte une aqida qui est fausse, ensuite il veut t'égarer, et ensuite il veut t'écarter de ta famille. Tu n'es même pas capable d'installer la sharia chez toi, et tu crois que tu vas faire la da'wah à 3 milliards de kilomètres. T'as laissé ta famille, t'as laissé ta propre personne. Et tu veux sortir? Oui, non, je vais faire la da'wah. Subhanallah, que connais-tu de la ilaha illallah? Ah, pourquoi mon frère, t'es contre Jama'at Tablir? Ehi, que connais-tu de la ilaha illallah? Tu sais même pas la ilaha illallah, tu veux parler? Subhanallah. Jusqu'à qu'il y en a un, lorsque j'étais au Royaume-Uni, j'ai été contacté, et une personne, elle était enceinte, c'était une Marocaine. Et son frère, il était dans Jama'at Tablir, il l'a marié avec un Tabliri. Il l'a laissé enceinte, sans argent, sans rien, et il lui a dit, je vais sortir 4 mois. Subhanallah. Et quelle est la soi-disant preuve qu'ils utilisent? Mais Ibrahim, alayhi salam, a laissé Hajar en plein désert avec Ismaïl. Subhanallah. Ça c'est Allah Azza wa Jal qui lui a ordonné cela, de faire cela. C'était un prophète. Et toi, qui t'a ordonné de faire cela? Si ce n'est le shaitan, car c'est une innovation. Et comme l'imam Sofiane al-Thawri, rahimahullah, dit, « Al-bid'atu ahabba ila iblis min al-ma'siya. » L'innovation est plus aimée par Iblis que le péché. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais un péché, tu sais que tu as fait un péché. Et donc, Inch'Allah, tu vas te repentir. Mais celui qui fait une bid'a, il ne sait pas qu'il fait une bid'a. Il croit qu'il se rapproche d'Allah. Tu lui dis, « Ya ikhi, crains Allah, repends-toi. » Pourquoi? Mais je fais le bien. Subhanallah. Et c'est pour cela, pourquoi j'insiste sur cela, parce qu'on se rappelle le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La'anallahu man awa muhditha. Allah a maudit celui qui supporte ou accommode un innovateur. Mes frères et sœurs, le musulman qui veut la demeure dernière, qui veut la fierté pour cette religion, il se doit de connaître ce qu'est le tawhid, ce qu'est le pur monothéisme. Il se doit de connaître ce qui l'oppose, c'est-à-dire le shirk, l'associationnisme ou le polythéisme. Car on ne connaît une chose que si l'on connaît son contraire. Si tu connais le contraire d'une chose, alors tu connais la chose. Mais si tu ne connais pas son contraire, tu ne connais pas la chose. Le tawhid est la base sur laquelle se font les œuvres. C'est sur cette base-là que tu bâtis toutes tes œuvres. Le pur monothéisme, sincère, l'acte qui est voué exclusivement à Allah Azza wa Jal seul. L'acte d'adoration voué exclusivement à Allah Azza wa Jal seul. Ce tawhid-là, c'est ta base sur laquelle tu vas faire toutes tes œuvres. Celui donc qui bâtit ses œuvres sur du shirk, sur de l'associationnisme, est comme celui qui bâtit sa maison sur les vagues de la mer. Tu vas construire une maison, vas-y, va construire ta maison là, sur les vagues. La mer, ça va tenir ça? Ça ne va pas tenir. Va même la construire là où est-ce que, au niveau du sable, où est-ce que les vagues arrivent. Ça va tenir, ça? Ça ne va même pas tenir. Parce que déjà, la base en elle-même est corrompue et mauvaise. Sans aller même au niveau des vagues de la mer. Va sur une terre, là, et prends des briques et construis directement sans faire un cesse, sans faire un... Yani, tu vois, tu dois creuser et puis mettre le fer, le ciment, le ciment là avec le ciment bétonné là, pour avoir ça, le cesse, la base qui est forte. Ensuite, tu bâtis dessus. Mais si tu vas sur une terre comme ça et que tu mets à monter des murs comme ça, elle va s'écrouler. Eh bien, le shirk, c'est la même chose. Elle est bâtie sur quelque chose de mauvais, de corrompu. Il n'y a aucune base qui est saine et forte. Et ceci, même s'il bâtit, vous voyez, une montagne d'œuvres sur quelque chose de corrompu, ça s'effondre. Allah Azza wa Jalla a dit dans la traduction du sens du verset, « En effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. » Sachez qu'Allah le Très-Haut ne fait d'exception à personne concernant le tawhid, peu importe qui il est. Écoutez donc la traduction du sens de ces versets et prêtez attention à ce qu'Allah le Très-Haut va mentionner. Tel est l'argument que nous inspirâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons au rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Et nous lui avons donné Ishaq et Jacob. Et nous les avons guidés tous les deux. Et Noé. Et nous les avons guidés auparavant. Et parmi la descendance d'Abraham ou de Noé, David, Suleyman, Ayoub, Job, Joseph, Youssef, Moïse et Haroun. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie, dans la traduction en français. Tous étant du nombre des gens de bien. De même, Ismaïl, Élisée, Jonas et Lot. Chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. De même, une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères. Et nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit. Telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut, qui il veut parmi ses serviteurs. Alors vous voyez, les 18 noms des prophètes qui ont été mentionnés, ensuite Allah Azza wa Jalla dit, mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. 18 prophètes mentionnés, et malgré cela, Allah Azza wa Jalla a dit les concernant. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. C'est pour cela qu'il incombe aux musulmans et à la musulmane à ce qu'ils soient sincères dans les œuvres qu'ils vouent à Allah seul et qu'ils se désavouent et s'écartent du shirk, de l'associationnisme, car le pur monothéisme, le tawhid, car avec le pur monothéisme, Allah lui pardonne ses erreurs. Il lui pardonne ses erreurs, il lui pardonne ses péchés et le fera entrer au paradis, même si ce n'est pas directement. Tandis que le mouchrik, l'associateur, le polythéiste, celui qui invoque ou adore ou voue un quelconque acte d'adoration à autre qu'Allah, celui-là, Allah ne lui pardonne pas. Car l'associationnisme qu'il a pratiqué l'empêche de recevoir le pardon d'Allah le jour de la résurrection et le fera plonger dans le feu de l'enfer pour l'éternité qu'Allah nous en préserve. Allah Azza wa Jalla a dit dans la traduction du sens du verset, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Et sachez, mes frères et sœurs, que l'associationnisme est la cause des châtiments et de tous les malheurs. Les nations précédentes ont été détruites et décimées, tout cela à cause de l'associationnisme. Voyons donc dans ces deux versets où Allah Azza wa Jalla a dit dans la traduction du sens du verset, n'assigne point à Allah d'autres divinités, sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. Et Allah le Très-Haut a dit, dans la traduction du sens du verset, n'assigne donc pas à Allah d'autres divinités, sinon tu seras jeté dans l'enfer, blâmé et repoussé. Associé à Allah est la cause de l'humiliation, de la défaite. Et celui qu'Allah humilie et rabaisse, Qui donc peut le rendre victorieux? Allah Azza wa Jalla dit dans la traduction du sens du verset, nous avons fait périr et ils n'eurent point de secoureur. Après tout ce que j'ai mentionné, et on va en terminer Inch'Allah avec cela, après tout ce que j'ai mentionné, nous entendons des ignorants qui parlent, des ignorants qui ignorent qu'ils sont ignorants. C'est Jahl Murakkab, il ignore qu'il ne sait pas, il ne sait pas que lui, il ne sait pas. Allah al-Musta'an. Ça, c'est le pire des ignorants. Nous entendons les innovateurs, les gens de l'égarement, parmi les ennemis de la méthodologie prophétique, qui disent aux gens qu'il n'est pas bénéfique d'apprendre la croyance. Il n'est pas bénéfique d'apprendre la croyance correcte, le tawhid. Il te suffit de prier, tu fais le bien, tu es gentil. Subhanallah, moi je connais des kofars qui sont très gentils, parfois même plus gentils que certains musulmans. Est-ce que pour autant ils sont sur la vérité? Ils te disent, il n'est pas bénéfique d'apprendre cela. Il te suffit de prier et faire le bien. Cependant, ces ignorants croient que le bien est uniquement ce que lui pense que c'est bien. Lui, le bien, il le met dans le mizan de quoi? Tu crois qu'il va le mettre dans le mizan du shara, le Coran et la sunna, pour savoir si c'est bien? Allah Azza wa Jal dit, وَعَسَا أَن تُحِبُّ شَيْءٍ وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Il se peut que vous aimez une chose, alors que c'est un mal pour vous. Et Allah Azza wa Jal dit, وَعَسَا أَن تُكْرَهُ شَيْءٍ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Et peut-être que vous détestez une chose, alors que c'est un bien pour vous. Et Allah Azza wa Jal dit, وَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْءٍ وَاللَّهُ يَجْعَلْ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Et il se peut que vous détestez une chose, mais Allah y mettra beaucoup de bien. Donc le bien et le mal, ce n'est pas toi ce que tu penses être bien. Alors Hadha, il vient dans la mosquée, on va lire le Coran en groupe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Comme ça en groupe. Est-ce que ça c'est bien? Hadha, il va te dire, mais où est le mal? Subhanallah. C'est un très grand mal de le lire en groupe. On ne parle pas de la lecture du Coran. On parle de la façon de lire le Coran. Il faut bien différencier cela. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela? Les sahaba faisaient cela? Non. Pourquoi toi tu le fais? Je crois que c'est bien. C'est ça le bien? Donc, l'imam Malik rahimahullah a dit, Man ibtada'a fil islam bid'a. Quiconque innove dans l'islam, une innovation. Wa yara'a hasana. Et il la voit comme étant bonne. فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَانَ الرِّسَلَ. Il prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi la religion. Parce que lui, il croit qu'il y a un bien, alors que le prophète ne l'a pas fait. Donc soit le prophète ne savait pas qu'il y a un bien, et lui en 2017, subhanallah, il sait qu'il y a un bien. Ou soit il veut dire que le prophète savait qu'il y a un bien dans cela, mais il ne l'a pas dit à sa communauté. Et ça veut dire que le prophète a trahi. أَعُوذُ بِاللَّهِ وَحَشَهِ. Il n'a pas transmis la parole d'Allah alors qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné de transmettre Belle Risalat Rabbik. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, il n'y a pas un prophète avant moi excepté qu'il a montré à sa communauté tout le bien qu'il connaissait pour eux. N'ont-ils pas entendu ces gens-là qui veulent bloquer la da'wah? N'ont-ils en faisant fuir les gens? Non, non, ne t'assois pas, ne va pas, cours, n'écoute pas, etc. N'ont-ils pas entendu la parole de l'imam Al-Qayyim, rahimallah, ce qu'il a dit? Eux qui prétendent respecter et aimer le Coran. Regardez ce que dit l'imam Al-Qayyim. Chaque verset dans le Coran inclut le tawhid. Un témoin de cela, une invitation au tawhid, le Coran est soit une information sur Allah, ses noms et attributs. Ce que fait Allah le Très-Haut, tout cela est le tawhid des actions et des informations d'Allah. Soit une invitation à adorer Allah seul, sans rien lui associer. Et se détacher, se séparer, se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et ceci est le tawhid de ce qui est voulu et ce qui est demandé par Allah. Soit c'est un ordre ou une interdiction et une obligation à lui obéir dans ce qu'il a interdit et dans ce qu'il a ordonné. Et cela est le droit du tawhid et sa perfection. Soit c'est une information sur les bienfaits d'Allah, sur les gens qui appliquent son tawhid et son obéissance et ce qu'il fait d'eux dans ce bas monde. Et par quoi il les récompense dans le-delà? Cela est la récompense du tawhid. Soit c'est une information sur les gens du shirk, de l'associationnisme. Et ce qu'il fait d'eux dans ce bas monde en leur infligeant des punitions exemplaires et les châtiments dans l'au-delà, ceci est une information sur celui qui est sorti du jugement du Tawhid. Donc tout le Coran porte sur le Tawhid, ses droits et ses récompenses, et sur l'associationnisme et ses gens, et comment ils seront rétribués. Donc c'est pour cela qu'on doit, il incombe à chaque musulman de mettre en priorité le Tawhid, l'enseignement au Tawhid, et à s'éduquer dans cela prioritairement avant tout. Si tu sais très bien comment prier, comment faire tes salettes, mais ta aqida elle est faible, elle est corrompue, eh bien ça ne te servira en rien. On demande à Allah Azza wa Jal de nous montrer à tous la vérité comme étant la vérité et qu'on la suive, et de nous montrer le faux comme étant le faux pour qu'on s'en écarte, on s'en désavoue et on met en garde contre. Et on demande à Allah Azza wa Jal de guérir tous nos frères et sœurs qui sont malades ou atteints d'une maladie ou qui sont dans la difficulté. اللهم اشفهم شفاء ليس بعده سقم أبدا اللهم خذ بيدهم وارحمهم بقدرتك عليهم اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين اللهم اشفهم اللهم اشفهم اللهم اشفهم اللهم آمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد